T'sais qu'on est perdu dans le monde, c'est plus où aller. Et est-ce que on disparaît, tu peux nous où aller. Faudrait se scorer une ambulance, ou j'ai pas d'où appeler. Soit m'enferme un jour, faudrait un verrou à clé. Dire qu'on est perdu dans le monde, c'est pour où aller. Et est-ce que on disparaît, tu peux nous où aller. Faudrait se scorer une ambulance, ou j'ai pas d'où appeler. Soit m'enferme un jour, faudrait un verrou à clé. Tant que j'ai l'envie, tu peux te servir de moi comme appui. Des problèmes, j't'ai plus qu'à pied, mon épaule est trempée, les larmes d'autrui, ma tête est remplie de solutions. Ceux qui rompent la dépression, mais maintenant, j't'avoue de tout. Et sérieusement, pour chaque problème, j'ai donné ce que j'pouvais. Mais pour moi, c'est one way, comme si jamais j'existais. Pour en haut de mes rires, avoir ma face, mon état qui s'empire. Sans dire ou mentir, à propos plus d'autres moments entiers. Ma seule richesse d'entier, sûr, me crever dans pauvreté. Hey, j'suis pas né avec une marche arrière dans le cul. Foyer dans un cul-de-sac ou obligé à construire mes deux pieds direct dans ma marre. Une grosse lettre commence. Grâce à vous, tu dis que le monde pourra faire pour avoir du respect. Tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu restes prêt. Tu l'as qu'on vole les faux, des rêves, tu dis ce qui est vrai. Puis je t'énonce qu'il faut, mais faut sinon. Ça teste des moines, les buts comme le droit qui resterait. Le rap qui est mes doigts, tout le monde le détesterait. Et pas moi jamais je le délaisserai. Qui t'arrête dans un enclos, puis me laisser en laisse me délancer. J'suis l'os qui reste celui qui mange des chats, pas des vieilles snacks. Qui pue comme celle la Rodney Car. Et le cruel là-dessus va fourrer des gars. Genre ton pouce qui rentre en place, qui a fait tout peu les gars. Pour une petite affaire, ça fait un mille copies d'état. Danti, souvent j'plais mes proches pour du com, puis j'me sens crash. En état de crise, en état de crash. Quand j't'en crée, j'crache un range comme du crash. Puis au mec, j'lève, c'est du kick. En qui on croit, je sais pas l'unique comme la croix sur moi. De la foi, je te dis pas des grecs. Puis des ennemis, je les croque. Puis je leur éclate le temps en face de ma tête. J'ai trop de créativité. Trop souvent, je craque. Puis j'explose comme une bonne discrète. C'est un style au mec et tout. Moi, c'est pas critiqué. C'est pas critiqué. C'est pas critiqué. C'est qu'on est perdu un peu, on sait plus où aller. Qu'est-ce que tu peux, on disparaît, tu peux comme d'où aller. Faudrait se coller une ambulance, je sais pas d'où appeler. Soit m'enferme un jour, faudrait un verrou à clé. Dire qu'on est perdu dans le monde, c'est plus où aller. Qu'est-ce que tu peux, on disparaît, tu peux comme d'où aller. Faudrait se coller une ambulance, je sais pas d'où appeler. Soit m'enferme un jour, faudrait un verrou à clé. Empacter toutes les choses, j'ai appris pour ma route comme un guide de survie. J'étais sourdi par des amants qui méritaient. À cause des choses que j'aurais pu éviter, mais je reste debout. Le film ma fille, pour pas demander comment que ça collerait pour moi. Les projecteurs pour ma fuite de projectiles. Je m'arrêterai là, j'en ai peur. Tous les mondes s'arrêteront à leur pile. On demandera ça leur marche. Meurs, meurs, meurs, meurs, meurs, meurs, meurs, meurs. C'est qu'on est perdu dans le monde, on sait plus où aller. Qu'est-ce que tu peux, on disparaît, tu peux comme d'où aller. Faudrait se coller une ambulance, je sais pas d'où appeler. Soit m'enferme un jour, faudra un verrou à clé. C'est qu'on est perdu dans le monde, on sait plus où aller. On disparaît, tu peux comme d'où aller. Faudrait se coller une ambulance, je sais pas d'où appeler. Sans m'enfermer un jour, faudrait un verrou à clé. Poussière, grand boulet, j'ai abonné. Ma tête est strong, you know it's cold.